Chapitre 14, les beaux jours. Ah, chère, chère, chère Cordélia, quelle semaine merveilleuse nous vécûmes, et combien le mélancolique Patrick fut oublié. Je dois dire que je ne négligeais rien pour cela. Tout ce qu'un mari amoureux peut offrir à sa jeune femme pour la distraire, je m'empressais d'en accabler ma Cordélia. Les fêtes succédaient aux fêtes, et je voulais ma bien-aimée la mieux parée, la plus belle de toutes. Nous avions fait quelques connaissances. Grâce à un secrétaire d'ambassade, qui était mon ami, les salons les plus fermés nous étaient ouverts. Cordélia en était la reine. Elle ne m'ennuyait plus avec ses visites aux antiquités. Je m'étais arrangé pour qu'elle n'eût plus que le temps de se distraire. Les musées étaient oubliés. J'avais toutes sortes de raisons de me méfier de la peinture. Quand elle fut un peu lasse de Rome, nous partîmes pour Naples, où de nouvelles joies nous attendaient. Son golfe merveilleux connut nos baisers sur les plus belles rives du monde. Nous allâmes à Capri, à Sorrente, à Castellammare, les bateliers chantaient. J'avais brûlé tous ces petits livres appelés guides, car j'avais remarqué que lorsqu'elle les emportait, Cordélia, partout où elle passait, ne me parlait que des morts, ce qui était tout à fait triste. Mon petit auto da fé nous épargna bien des histoires sur Tibère et tutti quanti. C'était toujours ça de gagner. Évidemment, nous n'échappâmes point à Pompéi, mais ce n'est pas là une promenade ennuyeuse. Il y a toujours un monde fou qui se promène dans les ruines. Des costumes de touristes à mourir de rire, des caravanes d'agence Cook qui, à elles seules, valent le déplacement. Enfin, il y a le coup des peintures un peu lestes sur certains murs, en face desquels se trouvent subitement de vieilles demoiselles anglaises qui se sauvent en criant « Oh, shocking !» Cordélia et moi, nous pouffions. Chère, chère, chère Cordélia, ah, je t'avais bien à moi en ces heures bénies, où nous ne pensions qu'à nous réjouir de la beauté des jours et qu'à nous aimer, sans nous préoccuper une seconde de ce qui avait été avant nous, de ce qui existerait après. N'est-ce pas là la condition du vrai bonheur? Il ne faut pas trop penser. Non, non, il ne le faut pas. Regardez comme nous étions heureux tous les deux depuis que nous pensions le moins possible. De fait, nous étions toujours présents, l'un bien en face de l'autre, sans que nous ayons l'occasion de nous demander à quoi penses-tu? C'est pendant ces absences d'un esprit préoccupé que le polygone fait des siennes. La meilleure méthode pour que la pensée ne s'égare pas est encore de ne pas penser, croyez-moi. Seulement, il faut s'occuper. Après Naples, nous remontâmes à Florence, enfin nous fûmes à Venise, que nous avions gardée pour le bouquet. Ah, ville fatale! Mais n'anticipons pas.